Nadia, tu me rappelles Nadia, t'es pas une fille comme toutes les autres. Lina, ou bien Alina, avec tes beaux cheveux sur tes épaules. Mais à qui tu peux bien ressembler? Mais à qui tu peux bien ressembler? Candy, tu me rappelles Candy, avec ton petit air de grande gamine. Chun-Li, et puis à Chun-Li, avec tes grosses cuisses qui creusent des mines. Mais à qui tu peux bien ressembler? Mais à qui tu peux bien ressembler? Et puis, pourquoi tu serais pas comme Azuka, insupportable? Ça ferait un portrait parfait avec ta chevron qui me fait penser à un citron coupé un soir de réveillon. Juliette, tu me rappelles Juliette, à garder le resto plein de fleurs jaunes. Mais à qui tu peux bien ressembler? Mais à qui tu peux bien ressembler? Et puis, pourquoi tu serais pas comme Sakura, naïve et bête? Tu serais bien mieux que comme ça, avec ton sourire qui me fait penser à une calandre de V61 mois de décembre. Kenshin, tu ressembles à Kenshin, avec tes balafres sur ta joue gauche. Bunny, aussi comme Bunny, aussi empoté pour une blondasse. Mais à qui tu peux bien ressembler? Mais à qui tu peux bien ressembler? Mais à qui tu peux bien ressembler? Sinon à une fille tarée.